Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, quel grand privilège que nous avons, quel grand privilège nous avons d'avoir ta parole. Juste en discutant hier avec la famille, tu vois à quel point l'être humain est écarté, complètement dans l'ignorance de qui tu es, de ce que tu es en train de faire, pourquoi tu as fait ça. Ils n'ont pas d'idée. Et nous, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est tout simplement parce que ta parole nous l'a enseigné, tout simplement. Donc, on te demande, Seigneur, que encore une fois, aujourd'hui, notre temps ensemble serve à nous faire comprendre qui tu es, pourquoi tu as créé l'univers, qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu veux accomplir dans l'éternité. Puisses-tu nous guider par ton esprit que tu as mis dans tes enfants. Amen. Donc, comme je le fais d'habitude, on va résumer un petit peu le contexte. Nous sommes, Paul est en train d'écrire à une jeune église, pas tellement vieille église, qui souffre beaucoup à cause de la foi. Ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés pendant que Paul était là. Paul a lui-même été persécuté pendant qu'il était là. Et quand Paul leur écrit quelques années après, il leur parle, vous subissez encore des persécutions, ça semble avoir continué. Il ne faut pas oublier ça. Nous, des fois, on le lit, puis on essaie de le comprendre, puis nous, on a de la misère à saisir parce qu'on n'est pas dans le même contexte aussi fort de persécution. Donc, on a de la misère à comprendre. C'est comme tu voudrais parler de médicaments à quelqu'un qui n'est pas malade, il va dire, mais de quoi tu parles? Pourquoi je n'ai pas besoin de ça? Non, moi, là, c'est ça, parle, c'est quoi? Mais il faut comprendre ça, que si je m'adresse, moi, j'ai pris des cafés avec Gaétan, pendant des années. Mais ma discussion avec lui pendant qu'il était à l'hôpital, c'était une autre affaire. On n'est pas en train de prendre un café en rien, du fun, du plaisir. C'est que tu as quelqu'un qui souffre, qui est un peu, des fois, abattu ou découragé. Donc, tu dis, change mon langage. Continue. On approche ça d'une façon différente. La Bible va faire la même chose. Donc, quand Paul parle à des gens qu'une église qui est complètement en rébellion contre l'Évangile, il s'adresse autrement qu'une église qui est en train de souffrir à cause de l'Évangile. C'est pas le... Même s'il prendra les mêmes mots, on devrait dire, on va lui donner un sens un peu différent parce que c'est dans un contexte différent. Donc ici, Paul, dans chapitre 1, il les félicite ou les encourage ou il rend grâce à Dieu parce qu'ils ont gardé la foi à travers les tribulations, les difficultés qu'ils ont vécues pendant les quelques temps qu'ils ont été là. Dans le deuxième chapitre, il se présente lui-même. Il dit, voici ce que j'ai fait entre Philippe et Thessalonique. J'ai pris de l'assurance, j'étais allé prendre de l'assurance auprès de Dieu pour pouvoir continuer à vous offrir. Vous comment lui, il parle? Lui, tout est dans un contexte de tribulation, de fuite, il fuit de ville en ville. Lui, il fait une boute, puis là, on le chasse, puis on tire les roches, puis il s'en va dans une autre ville. Fait que lui, tout a besoin de prendre de l'assurance entre les villes. Donc, il parle de lui. C'est ça qu'il est en train de vivre. Donc, il leur dit, quand je suis arrivé chez vous, voici comment je me suis comporté. Là, il résume ça en disant, j'ai eu une conduite irréprochable avec vous. Paul n'est pas en train de dire qu'il n'est pas pécheur. Mais quand il parle d'une conduite irréprochable, c'est en fonction de l'Évangile qu'il prêche. Je suis irréprochable en fonction de l'Évangile que je prêche. Ma conduite est en accord avec l'Évangile que je prêche. Donc, je crois qu'il est en train de les préparer à dire, s'il y a des gens parmi vous qui veulent vous tromper, regardez où est-ce que leur conduite à eux est en accord avec l'Évangile qu'ils prêchent. Sans ça, vous ne devriez pas les écouter. S'ils prêchent un Évangile et vivent autrement, vous ne devriez pas les écouter. Ça, c'est dans son deuxième chapitre. Dans le troisième chapitre, on a vu qu'il voulait les affermir. Il dit, ils ont besoin. Parce que Paul dit, non seulement ils ont de la difficulté de la part des semblables, de la part des humains, mais il sait qu'il y a un tentateur, un être spirituel qui est le diable avec tout son monde, qui, lui, confronte l'Église, attaque l'Église, persécute l'Église ou tente l'Église. Paul l'appelait le tentateur parce qu'il dit, j'espère que personne n'a été tenté au-delà, au point d'abandonner et que j'aurais travaillé en vain. Donc, il est conscient, puis pour combattre ça, qu'est-ce qu'il fait? Il veut les affermir. Il veut les affermir dans la compréhension des Écritures. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire aussi. Résister au diable avec une foi ferme. Pas avec une capacité de foi, mais avec une foi, c'est une compréhension de la foi. Donc, si vous avez une compréhension de la foi, comme ce matin, je m'en venais avec Richard et Rebecca, puis, tu sais, quand tu tu vis quelque part, tu as tes petites routines, où est-ce que tu passes, comment tu passes, puis pourquoi tu passes là, puis tu ne passes pas là. Lui, il s'en allait avec son GPS. On avait toujours tendance à tourner dans la gauche, en place, on disait, ta gueule, c'est pas toi qui chauffe. Mais on aurait voulu lui dire que c'était peut-être plus facile par l'autre chemin, ou moins compliqué par l'autre chemin. Mais pour pouvoir affermir quelqu'un, Paul il dit, je vous ai envoyé Timothée, Timothée va vous affermir. Moi, je prie pour aller pouvoir aller vous affermir, et je prie Dieu qu'il vous affermisse. Donc, il y a trois, là, Timothée, Paul et Dieu, pour affermir les croyants. Donc, il veut faire ça ensemble, et l'apôtre Paul, ne pouvant pas aller, ce qu'il a fait, il a écrit deux lettres. Donc, à travers les deux lettres, il va affermir l'Église sur certains points, les points les plus importants selon lui. Mais il sait que même s'il écrit les deux lettres, il sait qu'il devrait y aller quand même, le faire. S'il ne peut pas y aller, probablement qu'il va renvoyer Timothée, il va renvoyer Tite, il va renvoyer Silas, il va faire de quoi? Parce qu'il sait que l'Église a besoin d'être affirmée. Donc, ça, c'est ce qu'il vit au chapitre 3. Dans le chapitre 4, il commence à leur parler d'une façon plus pratique un peu. Ce que j'ai vu chez vous, ce que j'ai entendu de vous, c'est que vous suivez, vous nous avez imités, et dans notre conduite pour plaire à Dieu, chapitre 4, verset 1, vous avez appris de nous, moi c'est Paul, Silas, Timothée, comment vous conduire et plaire à Dieu. Donc il y a une conduite qui plaît à Dieu, c'est une conduite, moi ce que j'appelle, qui est selon l'Évangile. Donc, et c'est là ce que vous faites. Il va dire ça trois fois là. Je vous ai dit au début, les premiers messages que j'ai faits sur Thessaloniciens, il y a trois vertus dans Thessaloniciens. L'œuvre de la foi, le travail de la charité, la fermeté de l'espérance. Puis trois fois, il fait la même chose et il répète ça trois fois. Puis là, dans le premier, il fait, je sais que vous marchez, l'œuvre de votre foi, elle est correcte. Vous faites ce qu'on vous a dit. Mais j'aimerais que vous alliez de progrès en progrès. Non, le travail de votre amour et la fermeté de l'espérance. Mm-hmm. La foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Parce que là, je sais que c'est ça que tu avais dit dans les autres jours que j'avais écrit, mais là, tu l'avais dit différemment, tu avais vraiment dit vertu de la charité. Non, j'ai les trois grandes vertus. Ah, oui, tu connais, c'est pas grave. Je fourche, des fois. Et donc, on va voir, dans l'autre chapitre, il va parler de la cuirasse. De l'amour, la cuirasse de la foi et le casque de l'espérance. Il va revenir encore une fois avec ces trois vertus-là. C'est la base de la foi, c'est la base, pas de la foi, la base de la vie chrétienne, c'est la base aussi de la persévérance, c'est la base de garder la foi jusqu'à la fin. C'est ces trois vertus-là qu'on doit utiliser pour garder l'Évangile intact jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces trois choses-là sont les piliers, je dirais, pour le croyant, pouvoir fonctionner jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit que vous avez été appelés à la sanctification. Dieu veut votre sanctification ou votre sainteté. Et Dieu veut que votre corps soit conservé dans la sainteté et dans l'honnêteté à votre engagement, honnêteté envers celui que vous avez fait une alliance. Vous avez pris une entente avec le Seigneur, vous avez pris une entente avec Dieu, vous avez pris une entente avec le Seigneur Jésus. Êtes-vous honnête envers votre engagement que vous avez fait? On le sait, on a fait des alliances, hein? On s'est mariés, on a fait des alliances. Est-ce que je suis honnête à mon alliance avec mon entente? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fait des contrats. On doit respecter les deux côtés de la médaille, ils doivent respecter leur contrat. Donc, il dit, vous avez fait un entente. Dieu, ce qu'il veut de vous, ce qu'il a voulu de vous, ce qu'il veut de vous, ce qu'il va vouloir de vous, c'est que vous marchiez selon la sainteté. Dans la deuxième épître, on va voir qu'il prend l'expression, vous avez été appelés à la sainteté. Donc, appelé, ça veut dire, tu peux le mettre avant le commencement du monde, vous avez été appelés par l'Évangile, vous avez été appelés par Paul, vous avez été appelés à la sainteté. Quand on parle de sainteté, il faut faire attention, ici, il ne parle pas d'une sainteté progressive ou d'une sanctification progressive. La sainteté, ça a deux sens dans les Écritures. Quand il dit que Dieu dit qu'il est saint, c'est qu'il y a absence de mal, mais en même temps, ça veut dire, la plupart du temps, quand vous dites, mettons, le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est un esprit sans péché. Ben, c'est pour moi, là, quand j'entends le Saint-Esprit, c'est qu'il est à part des autres esprits. Donc, il est au-dessus des autres esprits. C'est lui, le Saint-Esprit, l'esprit différent des autres esprits. Lui, c'est un esprit divin, c'est un esprit... nous, on est des esprits, on n'est pas dans le même étage. Okay? Donc, le mot « saint », je vous avais donné le mot... Il faut bien comprendre ça, parce que dans les églises, on se trompe souvent avec ça, parce que nous, on prend le mot « sainteté catholique » qui parle des saints qui ne péchaient pas, des saints qui faisaient moins en moins de péché. On a cette connotation-là dans la tête. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de quelque chose de saint, c'est quelque chose qui était, à la plupart du temps, enfermé dans le temple, consacré à Dieu dans le temple. Donc, vous pourriez marquer, ou synonyme dans notre tête, vous compreniez, c'est consacré à. J'ai consacré cette personne-là à un travail spécifique, puis il fait juste ça. C'est ce qu'on appelle les... C'est ça que l'apôtre Paul, les autres apôtres, il va écrire au sein de l'Église. Au sein de l'Église. C'est vrai qu'on a été justifié, c'est vrai qu'on a été pardonné, mais en même temps, on a été mis à part. Dieu ne m'a pas rendu saint dans le sens de pur ou justice pour me laisser là. Il dit, je te rends comme ça pour te mettre à part pour mon service. Parce que pour être à mon service, il faut que tu sois juste et saint. Donc, je te mets à mon service. Mais où la différence? C'est pas juste, je vais te mettre à mon service seulement si tu ne fais pas de péché. C'est pas de même, ça marche. Là. Okay? Donc, à la fin de tout, là, on va être parfaitement saint dans le sens de notre corps, et tout ça, on va être saint. Et la deuxième, après ça, il a dit, « J'aimerais que vous fassiez du progrès dans un autre domaine, chapitre 4, verset 9, du domaine dans l'amour fraternel. » Et on avait vu ça ensemble, que l'amour fraternel, vous l'aviez appris de Dieu et non pas de Paul. Et je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on a dit au verset... au verset 11... On commence au milieu du verset 10. « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour que vous avez déjà, vous manifestez déjà dans toute la Macédoine entière, et de mettre à votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Je veux que vous soyez dans votre conduite entre frères et sœurs, dans l'Église, votre vie d'Église, soit honnête envers ceux du dehors. Qu'est-ce qu'il veut dire pour ça? Quand les gens du dehors vont regarder la vie de l'Église, il faut qu'on soit honnête. Ils nous regardent, il faut qu'on soit honnête. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, Paul? On l'avait-tu discuté, ça? OK, c'est ça, je veux savoir. Je ne sais plus, des fois, je le fais à 3-4 places, puis des fois, je me souviens. L'important, c'est que nous, on s'en souvient. Oui, oui, oui. Moi, je m'en souviens, mais je ne me souviens pas si je vous l'ai dit. Okay. C'était quoi? Moi, je peux le dire, là. Mais... c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse refléter un évangile qui est faux. Il faut que ce soit honnête quand les gens l'entendent, que ce soit vrai. Okay. Exemple, si on donne un évangile de prospérité, bien là, on fausse. OK. Donc, si on veut laisser voir que si on vient chrétien, on va être prospère, mais là, on laisse une mauvaise image aux gens de l'extérieur. Ils vont regarder, ils vont dire, « Ah, si je me convertis, je vais être prospère. » Ça, c'est d'être malhonnête envers les gens du dehors. Ou de laisser voir que dans l'Église, il n'y a pas de problème. On s'aime dans l'Église, il n'y a pas de problème. J'ai entendu ça souvent hein, dans l'Église. Ça, c'est aussi malhonnête, parce qu'il va y avoir des chicanes dans l'Église aussi, il va y avoir des difficultés dans l'Église, il va y avoir des divisions dans l'Église. Ça, on ne peut pas dire, bien là, si on chie, je rentre là. Moi, je me souviens, avec Mme Simoneau, que vous avez connue, si peut-être vous n'en souvenez pas, elle avait dit, les premiers dimanches qu'elle était venue à l'église, elle a dit, « Ah, oh, c'est tellement d'amour ici, dans l'église, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. » J'ai dit, « Continuez à venir dans une secousse, on va s'en parler. » J'ai dit, « Parce que vous ne voyez pas, vous, c'est juste le dimanche matin, on est tout assis dans nos petits bains. » Mais j'ai dit, « Ça n'a pas pris bien de temps, c'est aperçu qu'il y avait des péchés dans l'Église, des jugements, puis des signes. Des... Hein, donc, c'est pas que je me dis qu'on on va se laisser aller, c'est pas grave, c'est pas ça. Il faut laisser dire l'Évangile là, que tu as entendu, et si tu y adhères, voici la vie qui va découler de ça. Honnêtement, tu vas lui dire qu'est-ce qu'il y en est, tout simplement. Donc, il dit, En vous aimant les uns les autres, vous allez manifester une forme de vie chrétienne que les gens du dehors vont dire, OK, si on se convertit, ça va ressembler à ça. Là. Donc, il faut être honnête dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. OK. Donc, Marielle, t'avais dit, c'était pas de ne pas être vu qu'il y avait des persécutions, il aurait pu se faire des soulèvements. Oui. T'avais mentionné ça aussi. OK. Donc, après ça, on a vu, ça, c'était la deuxième vertu. La première vertu, c'était l'œuvre de la foi. L'autre, c'est le travail de votre amour. Maintenant, c'est la fermeté de l'espérance. Donc, il va nous encourager à faire du progrès dans notre espérance. Hein, c'est intéressant. Donc, on comprend qu'on doit faire du progrès de s'aimer, ça me semble que ça va de soi, on comprend bien. Mais comment est-ce que je vais faire du progrès dans mon espérance? Donc, ça va être intéressant de regarder ça. On va résumer, parce qu'on avait vu la semaine passée, verset 13, jusqu'à la fin. Puis ça, on va compléter au chapitre 5. Il y avait un des problèmes dans l'Église, c'est le verset 13, verset 1, que Paul fait ressortir. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Donc, Paul, il s'adresse ici à une difficulté précise, un sujet précis. Ce n'est pas que les chrétiens doutent du retour du Seigneur. Non, non. Mais ils doutent, ils se demandent qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont déjà morts. Puis le retour du Seigneur n'est pas arrivé encore. Donc, ils ne disent pas, là, on ne croit plus. Là. Mais on pensait qu'il arriverait avant qu'on meure. Puis là, il y en a qui ont commencé à mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Est-ce qu'on est triste, affligé ou triste à l'égard de ces gens? Les autres, ils pensent là, qu'ils vont manquer quelque chose par rapport au retour du Seigneur. Parce que, il n'est pas arrivé, puis le monde m'a mouru. Puis nous, on s'attendait que le Seigneur t'a pour arriver, puis on était pour ensemble être avec le Seigneur puis dans le royaume de Dieu. Puis là, ils sont morts. Qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? L'incompréhension, le manque. C'est ça qu'il dit l'ignorance. On va en parler au chapitre 5. Dans l'ignorance, quand tu es ignorant, tu te fais des gamiques, là, tu tournes cette langue. Okay? Tu dis, bien, je suis ignorant de certaines choses, mais je me fais des peurs, je me fais des craintes. Donc, c'est ça qu'il dit, je veux affirmer, je veux vous donner de l'information pour que vous n'ayez pas cette tristesse-là qui est inutile. Vous êtes triste, là? Il ne parle pas de la tristesse humaine. Tu sais, tu perds ton mari, tu perds ton enfant, tu es triste, c'est correct. Il y a une tristesse humaine, OK, c'est correct. Là, il ne parle pas de ça, il parle d'être affligé, que certains chrétiens vont manquer, finalement, l'établissement du royaume par le Messie qui revient. Okay? C'est ça qu'il veut leur parler, qu'il veut leur dire, donc. Il faut se limiter à ça, parce qu'il y en a qui partent du texte et s'en vont jusque dans l'Apocalypse. Nous, on va se limiter. Paul va juste répondre à cette question-là. Là. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont morts? Il faut bien se mettre dans... Si on avait le temps, vous avez des livres d'introduction, vous allez voir, mais qu'est-ce que les gens pensaient à cette époque-là? Qu'est-ce que les chrétiens pensaient? Quand vous avez été élevé, Danville, Victoriaville, toi, Val-d'Or... On avait une compréhension que Jésus venait nous chercher par l'enlèvement. Ouh! Là, on partait, puis les autobus fonçaient dans les murs, puis les avions plantaient, parce que le pilote était parti, puis tu es un chrétien. On avait cette idée-là. Là. Puis là, quand Dieu nous protégerait des 7 ans de tribulation très forte. On ne verrait pas l'Antéchrist, puis on ne souffrirait pas. Puis, tu vois, on avait cette idée-là. Pourquoi c'est pas ça? Non. Donc, on va en parler ici de ce qui répond aussi d'aujourd'hui. Mais on avait une idée, là, tu sais, c'était comme ça. Mais moi, le gars qui pense ça, là, je le considère comme un chrétien pareil, là, ça ne me dérange pas, là. OK? Je le considère comme un chrétien pareil. Parce que je me dis, il croit que le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Mais tu ne pourrais pas prouver ça dans notre texte aujourd'hui. Ce que moi, je vais dire, je vais pas le prouver dans mon texte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres informations ailleurs. Moi, j'enseigne, je suis 4 aujourd'hui, OK? Donc, ici, là, donc, qu'est-ce qui arrive? On pensait que Jésus reviendrait, mais il n'est pas revenu. Puis un peu plus loin, dans la deuxième épître de Thessaloniciens, il y a un autre problème qui va surgir. Vous avez reçu une lettre soi-disant venir de nous, disant que le retour du Seigneur a déjà eu lieu. Fait que là, il y a une gang qui panique encore une fois. Il a eu lieu, puis on l'a manqué. Donc, il y en a qui paniquent encore, puis là, l'apôtre Paul va donner encore de l'information, va donner encore, il va encore les affirmer en leur donnant des vérités, dire non, non, non, non, non, avant qu'ils viennent, là, avant que ça se passe, il y a des choses qui doivent arriver. Il va les affermir, puis il va dire, ah, ouf, il n'est pas venu. Okay? Donc, je n'ai pas manqué. Fait, mais dans notre, ici, au chapitre 4, c'est que ceux qui sont décédés, chez les Juifs surtout, les Juifs croyaient quand le Messie viendrait, ils établiraient tout de suite le royaume de Dieu sur cette terre-là, quand il arriverait. Donc, ceux qui sont morts, ils ont manqué ce bateau. Ils ont manqué, ils sont morts. Le Messie, il arrive, puis il commence le royaume de Dieu, puis ils ne sont pas là. Ils vont, tu sais, ils vont sortir, qu'est-ce qui arrive à part ça? Donc, il manque des données. Donc, Paul va leur dire quelque chose par rapport à ça pour les encourager, pour les affermir dans leur espérance. Okay? Dans leur espérance. Donc, c'est dans ce sens-là. Et là, il leur a dit, ceux qui sont décédés, ne vous en faites pas avec eux, ceux qui sont morts déjà, mais faites bien attention, il va dire, ceux qui sont morts en Christ. Pas tous les morts. Ceux qui sont morts en Christ. Et c'est là qu'il va dire, nous qui sommes vivants en Christ, c'est ces deux gars, c'est ce gars-là, là. Mais il ne dit pas ce qui va arriver avec les vivants. Il ne dit pas si nous autres, on va être transformés, on va être ressuscités pareil, notre corps va-tu changer comme les ressuscités, je ne sais pas, il ne parle pas. Il n'en parle pas. Donc, c'est tout. C'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir comment les vivants vont être transformés. Mais une chose est certaine. Les vivants ne sont pas privilégiés sur les morts. Les morts, premièrement, vont ressusciter. C'est eux autres les premiers. Donc, ils ne perdront rien, là. Puis, remarquez bien qu'il nous a dit dans notre texte, il va descendre du ciel, puis nous, on va monter à sa rencontre. Donc, il ne vient pas établir le royaume tout de suite. Il ne vient pas sur la terre. Il dit, descend, puis on va le rencontrer dans les airs. Donc, où est-ce qu'il s'en va dans les airs? Il s'en va avec le Christ. Là. Parce qu'il va dire, on ne va plus jamais être séparé de lui. Là. Au moment où est-ce que l'Église, quand Jésus vient les chercher, au moment où est-ce que l'Église, les morts et les vivants sont ensemble enlevés, ils ne vont plus jamais quitter le Seigneur Jésus. Peu importe comment est-ce qu'on va interpréter l'Apocalypse. Ici, ça nous dit, jamais maintenant, ils vont quitter le Seigneur Jésus-Christ. Les morts qui vont être ressuscités et les vivants aussi. Mais remarquez bien, s'ils viendraient établir le royaume de Dieu tout de suite sur la terre, ils descendraient sur la terre. C'est tout, là. Mais pourquoi qu'ils nous feraient monter tout de suite dans les airs puis redescendre après? Ça ne fait pas de sens non plus. Donc, il dit, est-ce que vous comprenez bien, là, les morts, ta mère, ta femme, tes enfants qui sont morts en Christ, pas tous les gens qui sont morts, juste ceux qui sont morts dans la foi, dans l'Évangile. Et ceux qui sont vivants, qui sont aussi dans l'Évangile, ensemble, les autres vont monter, le Seigneur va descendre, il va venir les prendre, puis ils vont s'en aller avec lui. Où est-ce qu'ils vont s'en aller? Dans les airs. Mais vont-ils rester suspendus au-dessus de la ville? Ça va être dramatique. Hein? Non, c'est pas encore, il n'en parle pas ici. Mais si lui descend, là, il vient d'où? Il vient d'où, lui, le gars? Il vient encore pas en haut, là. C'est ce qu'on devrait. Et moi, j'ai l'impression que si on monte, puis on va dans les airs, puis on va être avec lui, on retourne ce qu'il était, lui, là. On retourne ce qu'il était, là. On retourne ce que lui était, je ne sais pas où c'est qu'il était, là, mais il était quelque part. Non, mais. Parce que si on ressuscite, on ressuscite avec nos corps. Oui. Les vivants, ils montent avec leur corps, puis nous, puis ceux qui sont morts, ils ressuscitent, c'est-à-dire qu'ils reprennent leur corps, puis ils montent. Mm-hmm. Donc là, il s'en va à quelque part avec Jésus, là. OK? Puis il s'est marqué, nous serons tous ensemble, les morts ressuscités et ceux qui sont vivants qui partent avec lui, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Ça nous fait penser à tout de suite Jésus qui était enlevé, qui est parti, qui est monté à travers les nuées, puis c'est parti. Ça nous fait penser à ça. Mais il dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc il dit, ils ne perdront rien. Ils n'auront rien manqué, c'est les décédés. C'est ça qu'il veut répondre, là. Les décédés ne manqueront rien. Ils ont rassuré dans ce sens-là. Donc, n'ayez pas crainte, là. Puis, ils vont réaliser avec le temps qu'ils vont tous mourir, finalement, avant que c'est Jésus. Puis, on est 2000 ans, puis il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chrétiens qui sont morts. Puis, on n'est pas encore arrivé à ça. Mais, ceux qui sont morts depuis que Jésus est ressuscité, mettons, on va dire ça comme ça, depuis la Nouvelle Alliance, tous ceux-là qui sont morts vont avoir le même traitement. C'est ce qu'il dit ici. Là. On va rejoindre le Seigneur Jésus-Christ pour s'en aller avec lui. Il y a plein de questions qu'on pourrait avoir qui nous est parlé dans d'autres livres. Nous, on va rester ici. Donc, si quelqu'un meurt, nos enfants, nous autres, des gens avec nous autres qu'on connaît, qui sont en Christ, ben, on va se consoler avec ça. Je me souviens quand ma fille est décédée, mon autre fille est venue me voir, puis elle me dit, « Père, j'espère que c'est vrai ce que vous dites. J'espère que c'est vrai ce que vous dites. » J'ai dit, « Ça ne te console pas, hein? Parce que toi, tu ne le crois pas. Moi, ça me console parce que moi, je le crois. » Même si c'est vrai, là, ça ne te console pas. J'espère que c'est vrai. J'espère que ça ne te consolera pas. Là. Moi, ça me console, puis je crois que c'est vrai. Donc, il y a une différence entre moi et toi. Là. Donc, moi, je ne suis pas enragé, je ne suis pas découragé. Même j'ai une forme de joie à l'intérieur, puisqu'il est parti avec le Seigneur. Donc, j'ai une forme d'équilibre qui s'installe, une tristesse humaine, mais une joie spirituelle, parce qu'il est parti avec Dieu. Donc, je ne suis pas en train de me péter la tête sur les murs. Là, je vais continuer à servir mon Dieu, je vais rester attaché à mon Dieu, je vais essayer de continuer à servir mon Dieu. Je ne vais pas en vouloir à Dieu parce que... Je ne sais pas, je vous avais déjà compté. Mon Jean est allé me voir, parce que quand on a su qu'il était mort, on a tous parti à la famille, on a tous monté à Val-d'Or. On a tous couché dans la même maison, on est une allette, c'est comme ça, on couche à terre partout, ça couche dans la même maison. Puis mon Jean est allé me voir, puis il m'a dit, « François, tu penses-tu que si on plairait, moi, plutôt que... Dieu pourrait ressusciter. Il est capable de ressusciter les morts. Mais pourrais-tu la ressusciter? Tu vois-tu comment est-ce qu'il n'était pas prêt à laisser partir? Il n'était pas prêt. J'ai dit, sa capacité n'est pas à mettre en doute, parce qu'il va ressusciter tous les croyants à la fin du temps. Ça, c'est pas mis en doute. Mais s'il est venu le chercher, c'est parce qu'il était parti, il ne reviendra pas. Là. Il dit, moi, je ne peux pas prier avec toi là-dessus. Pour qu'elle revienne. Hein? Il y avait une certaine foi. Il y avait une... Oui, mais c'était. Je pouvais comprendre un peu qu'il lui était plus. Pas plus proche, mais. Il vivait sa douleur plus différente de la mienne avec les deux petits-enfants. Puis, oui, différent. Puis j'ai dit, ben, mais je dis, moi, je pouvais pas. Il fait. Oui, oui, viens, on va prier. Non, non, je n'étais pas capable de faire ça. Là. J'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. Mais on va prier ensemble qu'on accepte la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu, il est venu la chercher. Puis elle, il faut que tu te réjouisses. Comme nous autres, on va se réjouir en partie qu'elle est avec Dieu déjà, qu'elle sert son Dieu dans l'éternité. Là, j'ai envie de dire, mais puis elle ne pense même plus à toi. Là, je ne l'ai pas rajouté cette petite bouteille. Quelle sagesse! J'ai envie de toi. Maintenant, on va tourner dans le chapitre 5, puis on continue. Là, il va parler quand ça va arriver. Quand le Seigneur Jésus va-t-il faire ça? T'sais, descendre, ressusciter les morts. Chapitre 5, c'est ce qu'on va continuer ensemble de voir. Parce qu'au verset 1, il dit, pour ce qui concerne des temps et des moments, de quoi? De ce qu'on vient de parler au chapitre 4. Hein? C'est, même si on a changé de chapitre, on est encore dans le même sujet. Là. C'est les moments et les temps de ce qu'on vient de parler, qui est la résurrection des morts, et l'enlèvement des vivants qui sont là maintenant, monter à la rencontre du Seigneur dans les nuées et être avec lui pour toujours. Donc, c'est ça dont il parle ici. Là. Donc, pour ce qui concerne ces moments-là et ces temps-là, on va lire à partir du verset 1, Roger. On va lire jusqu'au verset... On t'en a un petit peu, on va lire. On va lire ensemble jusqu'au verset 11. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme la douleur sur la femme enceinte et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là peut ne pas vous surprendre comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les dormants, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'ennuient. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi de l'amour, la comme cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un et l'autre, l'un l'autre comme vous le faites déjà. C'est sûr? C'est, comme vous le faites déjà, c'est la troisième fois là. Comme vous le faites déjà dans la conduite qui plaît à Dieu, comme vous le faites déjà dans l'amour fraternel, comme vous le faites déjà dans l'espérance. Vous le faites déjà, mais je veux que vous ayez plus loin. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble après midi, c'est comment est-ce qu'on peut s'encourager mutuellement à la persévérance dans l'espérance du retour du Seigneur. Quand j'étais un nouveau croyant, le sujet du retour du Seigneur, on en parlait. Mais on s'ostinait, on s'engueulait, on se divisait finalement. Ça ne nous aidait pas à la persévérance, ça faisait le contraire presque. Parce qu'il y avait des débats sur les quand, les comment, les où, puis c'est qui. Puis certains de moi, j'avais une position des fois, puis les gens disaient, t'es pas chrétien, fais juste cette position-là. Bon, ok, je n'ai pas chrétien. Bon. L'autre disait, ah oui, t'es chrétien, c'est cette position-là. Ah oui, bon, okay, je suis chrétien. Je ne savais plus où danser. J'étais entre Claude Fortin, puis Camille Audette, puis Daniel Bernier, puis tous ces gens avaient des idées différentes. Puis moi, j'étais le nouveau croyant, ça faisait 2 ans. Puis j'arrive à l'église un dimanche, puis c'est Jules Mailloux qui était là. C'est pas connu, Jules Mailloux? Puis, moi, j'étais un nouveau chrétien. Là. Puis, ils se mettent, après la réunion, il dit, restez si vous voulez, on va parler, là, tous les chrétiens ensemble. Puis, il commence à parler de 1 000, puis 1 000, puis les discussions partent. Moi, je lève la main. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pouvez-vous m'expliquer, là, si je comprends rien, ce que vous dites? Ah, ben là, on n'a pas le temps. T'sais. On va l'en dire. Mais ça, je voyais qu'il y avait une tension dans l'Église à cause de ça. Puis M. Mailloux, lui, était plus prémis le prêtre, plus comme Claude Fortin était, mettons. Donc, mais... Ça se passe, en fin de compte, sur tout ce qui n'est pas vraiment important pour la foi. C'est important. La chronologie est moins importante que les faits. Moi, si j'ai tous les mêmes faits que toi, même si on ne les place pas dans le même ordre tout à fait, c'est correct. On peut vivre ensemble. C'est important, mais ce n'est pas ça qui va t'emmener à croire en Dieu. La chronologie qu'on parle. Mais ces faits-là, là. Non, OK, non, dans ce sens-là, non, c'est pas ça, non. Ça t'amène pas à croire à Dieu. C'est ça que je disais à ma petite-fille l'autre jour, c'est pas à cause... C'est des assassinats qui sont futiles. Oui. Dans mon livre à moi, c'est futile, ça te signifie des fois jamais. Parce que tu crois ou tu crois pas, c'est futile. Je vais te laisser ton idée, on ne s'assassinera pas, là, c'est futile. Moi, j'appelle ça, ça l'aiguise les couteaux. Ça l'aiguise le fait que, qu'est-ce que je comprends? C'est bien, puis il y en a qui aiment ça, aiguiser les couteaux, puis il y en a qui aiment moins ça, c'est correct aussi. Okay? Mais j'ai dit ça à ma petite fille aujourd'hui. Non, tu es chrétien, mais tu ne comprends pas l'élection, la prédestination, l'arménien, le calviniste. Mais tu ne comprends pas ça, tu peux être chrétien pareil. Là. Ça, mais j'ai dit, ça, c'est des mots qui résument des pensées, qui résument des idées évangéliques. Quand tu vas l'entendre, si toi, tu ne sais pas qu'est-ce que le gars est en train de dire, mais tu vas perdre un peu la discussion. Mais si tu la sais, ben, tu vas comprendre qu'est-ce que le gars est en train de dire. Mais ici, là, il commence en disant, en ce qui concerne des temps et des moments, puis là, il part, puis on dirait qu'il oublie de nous dire c'est quand les moments. Il n'en parle pas vraiment clairement. En tout cas, moi, à la fin du verset, je ne sais pas quand il va revenir. OK? Donc, mais il dit, il y a une chose que vous devez considérer, frère. Puis là, il dit, au verset 1, « Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Ah! Il dit, vous savez, je n'ai pas besoin vraiment vous en écrire des moments et des temps de l'enlèvement de l'Église, on va l'appeler ça comme ça. Pourquoi qu'il dit ça? Au verset 2, « Car vous savez déjà, pour vous dire, vous le répétez, vous le savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Hier, je parle avec mon garçon, Benjamin, il y a un camp dans le bois quelque part, puis j'ai dit, je pourrais-tu utiliser ton camp si je vais aller m'isoler une couple de jours? On dit, oui, il dit, avertis-moi, parce que je me suis fait voler, il n'y a plus rien là, tu sais, non? Il n'y a plus rien. On laissait juste les 4 murs avec le poêle à bois, c'est tout. Dans le bois. Hein. Il y a quelqu'un qui a passé, puis il a vu ça, puis ils sont allés le chercher. Donc, j'ai dit, mais ce que je veux dire, ils n'ont pas averti mon gars, là. Ils sont venus comme dans la nuit. Lui, quand il y va pour faire autre chose, il s'aperçoit que le camp est vide. Donc, c'est les voleurs viennent pas en plein jour quand tu es à la maison. Ils vont venir dans la nuit quand tu n'es pas là ou quand tu dors. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous savez que vous ne pouvez pas savoir quand il va venir. Le moment, il va venir comme un voleur sans le dire, sans avertir. Ça va être une façon que vous ne pouvez pas savoir quel jour, quelle heure, quelle date, quelle année il va venir vraiment. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, je vous l'avais dit quand j'étais là. Le retour du Seigneur va venir, il va venir comme un voleur. Donc, si tu savais à quelle heure le voleur vient, comme Jésus a dit ailleurs dans les évangiles, mais tu te mettras à la porte et tu attendrais avec ton 12 ou ton bat, d'après ce que tu as chez vous. Puis tu disais, mais je ne me laisserai pas voler. Je le sais qu'il vient cette journée-là. Donc, mais il va faire bien attention de ne pas te le dire qu'il va venir voler ce soir-là. Il va te surprendre, puis il va attendre peut-être même que tu ne sois pas là pour le faire. Donc ici, il dit, je n'ai pas besoin que je vous en parle. Mais pourquoi t'en parles si vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle? Là, il va parler du progrès. Il va parler de quoi faire en attendant ce moment-là que vous ne savez pas vraiment comment, quand il va venir. Qu'est-ce que je fais quand? Nous, on sait que c'est dans le futur, mais on ne sait pas quand. Il dit, qu'est-ce que vous devriez faire en attendant pour pas que votre espérance disparaisse ou s'affaiblisse? Parce que là, on va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur nous amène à regarder en arrière. OK? Mais il dit, vous devriez faire des choses pour ne pas oublier ce qui s'en vient non plus. Vous devez avoir des choses qui vont vous aider à vers l'avant, ce qui s'en vient. De se rappeler ce que Jésus a fait, c'est un aide pour le croyant de rester fidèle, attaché à l'Évangile. De se rappeler ce qui s'en vient dans le futur, même si je ne sais pas la date, ça va m'aider aussi à persévérer et à continuer. C'est dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, il va mettre, vous savez que j'étais un ancien comptable, les colonnes, j'aime ça, les colonnes. Donc, j'ai fait deux colonnes, j'ai dit, bon, il met d'un bord, il met les croyants, puis de l'autre bord, il met les non-croyants, ou ceux qui dorment pas. Donc, il essaie de les comparer. Ne soyez pas comme ceux, puisqu'il dit enfin, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et ceux qui n'ont pas d'espérance, eux autres, sont affligés, sont tristes, ils ne verront jamais le monde, ils n'ont pas d'espoir, la vie est terminée là, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ou ils pensent que les gens s'en vont dans un lieu de souffrance, ils n'ont pas d'espérance. Mais il dit, mais ceux qui ont d'espérance, eux autres, ne vont pas agir de la même façon, ne vont pas parler de la même façon. Donc, il dit au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté ou sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Donc, la femme, elle sait pas mal, quand elle va accoucher, c'est une espèce suivie par les médecins. Aujourd'hui, c'est plus suivi que dans le temps, comme ma mère. Ma mère était dans le jardin, puis elle courait dans sa chambre pour aller accoucher. Ça ne va pas, puis tu n'as pas précis comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'échographie, puis il ne suivait pas tout ça. Là. Mais même si elle savait pas mal, parce qu'elle avait eu 16, elle savait pas mal ce qui était rendu, mais elle ne pouvait pas dire que ça va arriver là. Ça pouvait être une semaine avant, une semaine après. Elle ne pouvait pas savoir. Mais elle agissait comme. Elle était prête, là. Elle était dans sa chambre, elle avait des couches, puis elle avait ci, puis elle avait ça, puis elle avait ses piquets, puis elle était prête que si je rentre en courant, toutes les affaires sont là, puis la sage-femme, toutes les. Elle agit en fonction qu'elle sait que ça va arriver, mais elle ne sait pas vraiment quand. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre. Je n'avais pas besoin de vous dire quand, parce qu'on ne peut pas le savoir, mais vous devez agir en fonction qui s'en vient. Vous ne pouvez pas dire, ça prend tellement de temps que je pense qu'il ne viendra plus. J'y arrive à ce point-là, j'ai perdu la foi. Il ne revient plus. Là, c'est une autre affaire. Mais il dit, quand les hommes ici, là, c'est les non-croyants, hein? Quand les hommes vont dire paix et sûreté, ils vont se faire surprendre. Par quoi? Par le verset 4, le chapitre 4. Jésus va descendre, puis il va venir chercher les gens, il va les ressusciter, les autres vont être enlevés. Puis j'ai l'impression qu'ils vont voir ça, là. J'ai l'impression qu'ils vont voir ça, là, ce qui se passe, là. Peut-être. C'est ça qu'elle disait, elle, tantôt, quand il va venir nous chercher. Si, mettons, il y a un pilote qui est chrétien, il va être enlevé. L'avion va va s'écraser. Oui, c'est ce qu'on a vu comme tu dis, mais je te dis, moi, je ne sais pas si ça va être ça. Ils vont-tu voir, ils vont-tu pas voir, ils vont-tu réaliser. Quand on va tout le temps en même temps, là, peu importe. Quand je vous ai parlé de l'apocalypse, j'ai dit, on a quasiment l'impression dans l'apocalypse qu'il n'y a plus personne là, quand Jésus revient, ils sont tous morts presque. Ah, ouais, c'est vous vous souvenez de ça? Là? On dit, on n'est plus sûr, mais il y a tellement de destruction qui a lieu avant qu'il arrive, on ne sait même plus s'il va avoir des croyants. Mais Paul lui dit, il y en a, il va les ressusciter. Puis... Mais il ne veut pas nous expliquer comment ça va se passer au retour du Seigneur. Il veut juste consoler ceux qui sont affligés. Il dit, non, non, ils ne vont pas manquer le retour du Seigneur. C'est tout ce qu'il est en train de leur dire. Donc, essayez pas de deviner, là. Parce que si j'essaie de deviner, je vais faire deux choses. Soit c'est déjà passé, ou soit il s'en vient et c'est trop loin. Si j'essaie de deviner le quand, ça ne m'aide pas. Si je me prépare à ce qu'il va venir, peu importe quand il va venir. Ma valise est faite, puis quand il va arriver, je vais prendre ma valise et m'en sortir. Ah, c'est ça. C'est ce que je dis toujours. Okay. Quand il y a eu les discussions, c'est prédit, on a vu ça gros, du ça là-dedans. Hein. Mm-hmm. Ben, vous, regarde, n'importe où, vous m'avez en même temps que tout le monde, quand ça va être le temps. Il ne faut pas non plus rendre ça simpliste et inutile. C'est un grand sujet d'encouragement. On se dit, mais on peut vivre ensemble s'encourager, même si on n'a pas tout un peu la chronologie ensemble. Moi, je disais, tu crois-tu à l'enlèvement, tu crois-tu à la résurrection, tu crois-tu que Jésus va descendre, va changer sur les nuées, crois-tu qu'il va détruire les pécheurs, va détruire ça, il va faire... Oui, je crois à tout ça. Bon, on s'entend, tu sais. Ah, sinon, on nous pose toutes les chronologies, puis quelle couleur ça va avoir, ça, pas ça vraiment. Mais les vérités qui sont dans les textes, comme ici, là, il a terminé au chapitre 4, consolation, dans le sens de les affligés, là, je vous l'ai dit, soyez pas tristes, les gens vont être ressuscités. Là, il est en train de dire, en attendant ce moment-là, qu'est-ce que vous devriez faire? Quand le verset 3, vous le voyez, vous avez déjà entendu dire, quand les hommes vont dire, paix et sûreté, alors on ruine. C'est quand les hommes vont nous dire, ça va nous donner un signe que Jésus revient. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, les gens qui sont sur la terre, qu'est-ce qu'ils visent eux autres? C'est la belle vie ici-bas. Paix et sécurité ici, c'est de vivre en paix, harmonieux, tout va bien. Les autres, ils ne pensent pas à l'au-delà, ils ne pensent pas à d'autres choses, ils pensent pas, il n'y a pas rien. Buvons et mangeons quand demain nous mourrons, on profite de la vie le mieux qu'on peut parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Et il dit, les gens qui n'ont pas d'espérance, eux autres, là, ils vivent pour le jour. Donc, ils veulent de la paix, parce que c'est ça qu'on entend parler, hein. On veut la paix, on veut la sécurité, on veut la santé, on veut que ça aille bien ici. Ça, c'est l'or. Puis, quand il parle du déluge au temps de Noé, il dit, au temps de Noé, les hommes et les femmes se mariaient, avaient des enfants, se bâtissaient des maisons, ils n'ont jamais vu venir le déluge. Ils n'ont pas vu venir. Ça les a frappés, bang! Donc, ceux qui n'avaient pas cru sont tous morts là. Donc, il est en train de dire, ceux-là qui n'ont pas d'espérance, eux autres, ils ne vont pas voir venir ça. Il n'y en a pas de voleur pour eux autres qui vont venir. Il n'y en a pas de faim. On va aller vivre sur la planète Mars, on va aller vivre sur un autre, on cherche une planète pour aller vivre quelque part. Les autres, c'est paix, sécurité, prospérité, on veut vivre ici, là. C'est ça qu'ils veulent, les autres, là. Puis ils investissent tout leur temps ici, pour ici-bas, là. Puis ils disent, non, non, non, le croyant, il ne vit pas comme ça, lui-là. Il dit, et qu'est-ce qui va arriver? À cause qu'ils cherchent ici-bas, leur destin pour les autres, c'est ici-bas, mais ils n'y échapperont pas. À quoi est-ce qu'ils ne vont pas échapper? C'est la colère qu'on va parler un peu plus bas, qu'on a lu. La colère qu'on parle depuis le chapitre 1. La colère de Dieu qui va venir frapper le monde. Donc, ils ne vont pas y échapper à ça. Parce que pour eux autres, ils ne croient pas à un monde en dehors d'ici. Ils ne croient pas à ça. Donc, ils vivent pour aujourd'hui, tout simplement. Donc, c'est dans ce sens-là que je le comprends ici. Vous vous souvenez qu'au premier chapitre 1, on avait lu, vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus qui délivre de la colère à venir. Donc, Paul nous a parlé que Dieu était prêt à abattre sa colère sur le monde. La seule façon de fuir ou d'éviter la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, les autres, ils ne croient pas à ça, donc ils vont subir la colère de Dieu dans ce sens-là. Mais vous, ou nous, il aurait pu dire nous, mais vous, les croyants, là, il a dit les hommes sont comme ça, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ténèbres, ça veut dire, on pourrait mettre ça dans le sens d'ignorance. Vous n'êtes pas de ceux qui ignorent Vous savez que ça s'en vient. Vous savez que c'est, le jour vient. Puis les autres, ils le voyaient pas mal proche de ce qu'on a pu voir dans le Thessalonicien. Donc, il dit, pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans, ou dans l'incrédulité, ou peu importe comment on pourrait le dire, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et vous êtes des enfants du jour. Les ténèbres, ils ignorent, ils ne savent pas, ils ne croient pas. Vous êtes de la lumière. Les chrétiens, un chrétien, même si ce n'est pas l'heure et le jour, il ne sera jamais surpris. Il vit dans l'attente. Les chars, vendredi après-midi, ils venaient nous chercher. Quand on entendit ding-dong, on n'était pas surpris. On l'attendait, on savait qu'il s'en venait nous chercher. Donc on l'attendait, on n'a pas été surpris de dire, c'est qui t'emporte? Qui t'emporte? Non, non, on savait que le char venait nous chercher. Donc c'est dans ce sens-là, le chrétien, c'est pas qu'il sait le jour, c'est pas qu'il va marcher toute sa vie la tête dans les airs, mais quand il va entendre la trompette, qu'on a parlé un petit peu au chapitre 4, ou le signal donné, ou la voix d'un archange, il va dire, ah, c'est l'heure, Jésus arrive. Il n'y a pas de surprise, c'est une joie plutôt, que ça, enfin ça arrive. Je l'attendais. Ce qui veut nous encourager ici, c'est cette attente-là qu'on doit développer. Comment on va... Parce que le temps, là, le temps, ça gruge. Hein? Le temps, ça gruge les gens. Si quelqu'un vous dit là, qu'il va faire quelque chose, il va dire qu'il va faire quelque chose. Je ne sais pas si vos enfants vous ont déjà dit, « Papa, ça fait longtemps que tu vas faire ça, tu ne le fais jamais. » Ils se découragent, puis ils ne veulent plus faire. Parce que c'est parce que ça fait trop de temps là, que j'ai fait une promesse, puis je ne la réalise pas. Là. Ils ont perdu un peu. Je ne pense pas que tu vas le faire. Tu sais, mon père, il l'a mis dans le frais. Quand la personne m'avait parlé du Seigneur, je ne savais pas ça que le Seigneur y revenait. Des fois, tu entendais des expressions. Ah, écoute donc, c'est donc bien long, t'attends-tu le Messie? Puis, je ne savais pas pourquoi qu'on disait ça. Le deuxième retour, ce n'était pas moi dans mes pensées du tout. Moi, c'était juste tu meurs un jour, là, tu vas aller vers Dieu, mais je ne savais même pas ça, moi. On a pas, dans l'Église catholique, ce n'était pas non plus enseigné ça. OK, parce que là. C'est comme si c'était... Il y avait une fin du monde, mais il n'y avait pas un retour du Seigneur. Il y avait une fin du monde, mais pas un retour du Seigneur. Oui, bien exactement. C'est comme ça qu'on attendait ça, nous autres, dans l'Église catholique. Ouais. Là. Fait que là, c'est comme les Thessaloniciens, eux, c'était clair pour eux, mais... Mais là, Paul, ce qu'il dit, je sais que vous le savez, je sais que vous êtes des enfants de la lumière, vous connaissez la vérité, je vous l'ai dit, vous la savez, vous la croyez. Parce que là, s'il n'aurait pas cru, il n'aurait pas été attristé que les autres soient morts, il ne serait pas posé de questions, mais il dit, vous le croyez. Mais ce que je veux développer chez vous, c'est du progrès là-dedans. C'est aller plus loin que vous. Prenez des manières de faire pour faire du progrès dans ce domaine-là. La semaine passée, quand j'ai parlé avec Richard de ça, mon genre, on a fait l'étude avant vous autres. Des fois, vous êtes après, des fois, vous êtes avant. Puis j'ai dit quand, j'ai dit à Richard hier, quand on rentrait dans l'auto, là-bas, puis tout. J'ai dit quand je suis arrivé chez nous, j'étais un comptable, je me suis fait des colonnes, trois colonnes. Progrès dans l'œuvre de la foi, progrès dans l'œuvre de la charité, progrès dans l'œuvre de l'espérance. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais déjà dans mon quotidien présentement? Qu'est-ce que je fais déjà dans ces domaines-là? Là, j'ai séparé ma part. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je me prépare à faire pour faire du progrès? Ça ne vient pas tout seul, ça. Il faut que tu planifies le progrès. Il faut que tu organises ton progrès. Il faut que tu fasses de quoi pour progresser. Si je dis, je veux faire de la musculation, je veux grossir, mais... Oh, quand ça en donnera, j'irai. Mais tu vas jamais grossir probablement. Mais je te dis, le lundi, le mardi, le jeudi, je vais aller au gym à telle heure, tout ça. Et là, je vais aller au gym. Puis probablement, au bout de l'année, tu vas avoir fait du progrès. Qu'est-ce que je pourrais faire spirituellement pour dire, et tangiblement, qu'est-ce que je vais faire pour faire du progrès dans ces domaines-là? Je vous encourage à faire ça. Qu'est-ce que je fais déjà? Et qu'est-ce que je planifie faire pour faire du progrès? Parce que l'apôtre Paul encourage à faire du progrès dans ces trois domaines-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire du progrès? Donc, c'est. Et, un progrès, ça veut dire que tu as un début et tu as une fin. Tu as quelque chose que tu vises. Si moi, je vais faire du progrès parce que je vise les Olympiques en 98, bien, je vais dire, je vais faire du progrès jusqu'en 98, les Olympiques sont là. Donc, je vais me faire un calendrier, je ne sais pas quoi, un plan d'entraînement, tout ça, ou d'alimentation, papa, pour arriver là. Donc, mais si je n'ai pas d'échéance, si je n'ai pas rien, puis mon échéance, à moi, c'est le retour du Seigneur. OK? Je ne sais pas quand, mais il vient. Donc, je me prépare en fonction de ça. Donc, je veux alimenter mon espérance. Je veux l'embellir, si je peux dire. Pas l'embellir dans mon imagination. Stimuler, si tu veux. L'agrémenter. C'est comme si tu dis à un enfant, si tu fais ça, là, je vais te donner, un bonbon. Là, tu dis, ben je vais t'en donner peut-être trois. Ah, ben je vais t'en donner peut-être un sac. Tu le stimules. Tu dis, tu veux l'aider. Puis, moi, je souviens, mes parents disaient ça. Si vous faites votre rente blé d'Inde à tous les jours, à l'automne, on va vous donner une récompense. Mais ils ne nous disaient pas quoi. Dans l'été, là, ils commençaient à mettre la couleur après ça, là, tu sais, là. Puis là, tout à l'heure, on arrivait au mois de septembre, on avait tous nos reins, là, parce qu'on voulait avoir la récompense au bout, là. C'est une façon de stimuler. On a fait ça avec nos enfants, peut-être des étoiles, puis ci, puis ça. On faisait des petites sortes pour stimuler l'enfant, pour qu'il puisse prendre une décision, pour l'aider à faire quelque chose. Moi, je l'ai fait. Moi, ça m'aide. Si vous autres, ça vous aide, vous pouvez le faire aussi. Si ça vous aide pas, faites autre chose. Mais faites de quoi? OK, donc, nous, parce qu'on est des enfants de lumière, parce qu'on essaie d'être des enfants de lumière, parce qu'on est des enfants de lumière, parce qu'on est des enfants du jour, au lieu d'être des enfants des ténèbres, on est des enfants du jour, là, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Souvenez-vous d'une histoire que Jésus a racontée là-dessus? Oui, les vierges, il y en avait qui dormaient, puis il y en a qui étaient réveillés. Non, excusez, ils dormaient tous. Ils avaient prévu. Ils avaient amené de l'huile. Les autres, ils s'en viennent. On ne sait pas trop quand il va arriver, mais on ne prend pas de chance. On va s'emmener une cruche d'huile. Fait que s'ils tardent un peu, on a de l'huile dans notre lampe. Les autres n'ont pas prévu. Ça a pris plus de temps qu'ils pensaient, mais ils ont manqué le bateau. Mais il y a un autre, Jésus dit, Dieu a confié. Un maître a confié à son maître, son intendant. Puis là, il dit, je pars pour un voyage, je vais revenir plus tard. Puis il dit, veille, puis attends-moi, je vais revenir. Mais ça prend du temps. Puis le gars perd patience, puis il commence à vivre sa vie comme ça. Quand le maître arrive, il n'est pas à la porte à l'attendre. Mais il dit, tu vas savoir des coups. Plus même que les autres qui ne savent pas. Donc, comment je vais me stimuler à attendre? Quelqu'un, quelque chose. Quelqu'un, c'est Jésus qu'on attend. Donc, comment on va s'entraider mutuellement? Et moi, je crois que des fois, c'est dans la tempête, on perd focus. Parce qu'on est, soit on souffre, on est malade, et ça va nous prendre de l'aide pour nous faire un focus de « Hey, je vais t'aider, moi, là, donne-moi la main, je vais te faire un bout avec moi. » Ça, c'est dans l'Église, moi, je m'appelle ça. Quand on n'est plus certain qu'on a perdu de vue un peu et qu'on réalise, je vais aller chercher de l'aide, je vais demander à quelqu'un de m'aider à continuer, là, à me réaligner. Là, parce que j'ai besoin des autres pour m'aider, parce que je vais perdre mon focus pour différentes raisons. Okay? Ça peut être économique, ça peut être santé, ça peut être n'importe quoi. Là. Et il en a arrivé, puis il va en arriver encore de ça. Donc, mais il dit... Vous êtes des enfants du jour. Ne dormons point comme font les autres. Les autres, ils dorment. Pourquoi ils dorment? Il n'y en a pas. Il n'en vient pas de ça. Ça n'existe pas, les voleurs qui vont arriver dans la nuit. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mon garçon, il a bâti sa maison. Il me disait ça hier. Il dit, j'ai bâti ma maison. Au début, là, je ne bourrais pas, t'en écœurais, puis garère, et tout ça. Là, ils allaient, avec le temps, ils ont. Il n'en a pas eu de voleur, il n'en vient pas. Puis, des fois, je pars, puis j'oublie de barrer le garage. Puis mes choses les plus précieuses sont dans le garage, ne sont pas dans la maison. Je me suis enchaîné, mon quatre roues, oh, rien comme des câbles. Là, mais... Ça voulait dire, on s'est habitué, vu qu'il n'en vient pas de voleur, on s'habitue qu'à ne pas barrer la porte. Finalement, on oublie, c'est moins important. Mais il dit, pourtant, il peut venir un voleur n'importe quand. Là. Donc, il dit, on devrait prendre, je devrais me mettre une note, une cloche, je ne sais pas quoi, puis me dire, va barrer ta porte. Il peut venir le voir n'importe quand. Tu ne peux pas garantir qu'il n'en viendra pas. Donc, c'est des méthodes, des moyens. Donc, ne dormons point. Parce que vous êtes des enfants de la lumière, il ne dit pas, vous n'allez pas dormir. Il fait un commandement, ne dormons point. Donc, il dit, vous devez vous garder éveillé. Puis, il dit quoi? Il dit, l'autre mot qu'il dit après, c'est, ne dormons point, mais soyons sobres. Vous cherchez le mot sobre, nous autres, dans notre connotation, ça veut dire quoi, ça? De pas boire. Pas boire. La sobriété, ça, ben, on parle d'un homme sobre, c'est quelqu'un qui ne prend pas un coup. Ben, je dirais simple, parce que quand quelque chose qui est sobre, honnêtement, somme avec l'enceinte, c'est la simplicité. Ça rejoint, mais je ne pense pas que ça veut dire ça, mais avec mon idée, ça serait bon. Hein? Mais la simplicité. Mais le but, là, c'est qu'il était en train de dire, le mot sobriété, c'est le mot concentration dans le texte original. Concentrer, pour ne pas abandonner l'idée que ça s'en vient. Concentrez-vous, veillez et concentrez-vous sur ce qui s'en vient. Ils n'allaient pas, parce que notre tendance, le contraire, c'est de se laisser préoccuper par autre chose. Tu sais, tu entends quelqu'un, puis il ne s'en vient pas, ça prend du temps, tu vas regarder un film, du football, hein? Puis là, tu finalement, tu oublies complètement. Là, ça sonne. Ah, il est arrivé. Puis là, tu es tout énervé. Tu l'avais oublié parce que tu étais préoccupé à autre chose. Donc, il dit, essayez d'être pas seulement éveillé, mais sobre aussi. Donc, c'est dans vos pensées. Hein? Ça commence là, c'est dans nos pensées. Mais ça va se manifester. C'est la question, c'est que comment je vais, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider avec mes pensées qui peuvent être distraites? Parce qu'il y a des choses qui vont venir dans tes pensées aussi qui peuvent te distraire de d'autres choses. Hein? Ça fait partie de notre vie, ça. On a tellement de préoccupations dans ce monde, de tout ça. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir de préoccupations. Il ne faut pas faut être moine, de s'enfermer dans une boîte. Là. Mais il ne faut pas que ça vienne au détriment, qu'on pense juste à ces choses-là, sans penser au retour du Seigneur. Il faut qu'on garde l'équilibre là-dedans et dire, oui, je fais un paquet d'affaires, mais il faut que je me rappelle que j'ai le retour du Seigneur qui s'en vient. Je me rappelle qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui est plus important que le moment présent. J'ai une version aussi qui dit « Faisons preuve de modération. Mm-hmm. » Mais quelqu'un qui est simple, qui a fait dire qu'il y a juste une idée, là, ben, il est concentré, il a juste une idée. Puis le mot dans le sermon sur la montagne, il dit « les cœurs purs », c'est ça que ça veut dire, les cœurs simples, qui ont juste une idée, ils ne sont pas doubles, ils ne sont pas triples, ils ont juste une idée. Okay? Ils ont juste une idée, puis ils focus sur le retour du Seigneur. Oui. OK, donc, là, il va dire, mais nous qui sommes, là, je suis au verset 8, nous qui sommes du jour, au contraire de ceux qui sont ténèbres, soyons sobres. Là, il dit, en ayant, ce qui va m'aider à être sobre, c'est quoi? La cuirasse de l'amour, la cuirasse de la foi et le casque du salut. Vous avez remarqué, je vous l'ai déjà dit, c'est une armure, mais c'est les pièces défensives. J'attaque pas avec mon casque. À moins que je veux donner un coup de tête à quelqu'un, là, mais j'attaque pas avec mon armure, mais elle me protège. Donc, comment vous allez rester sobre ou attentif à ce que vous devez vous rappeler qui est le plus important? Si c'est votre armure, c'est votre foi, votre amour et votre espérance qui vont vous aider à faire ça. Donc, il n'est pas en train d'inventer autre chose. Si je fais du progrès dans ma foi, si je fais du progrès dans l'amour fraternel, automatiquement, je vais faire du progrès aussi dans l'espérance. Ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier, ça marche ensemble. Okay, donc, mais ça, c'est... Comment est-ce que je vais faire ça? Moi, je me dis, comment je peux faire? Moi, je ne sais pas que vous êtes. Moi, je suis plus vieux que moi. Et tout, moi, à mon âge, là, c'est vous ce que je fais? Là, des fois, je mets une cloche sur mon téléphone parce que j'ai un rendez-vous. Il ne faut pas que je l'oublie. Là. J'ai quelque chose d'important. Je vais me donner des trucs pour ne pas oublier. Des fois, je vais mettre même un papier. Puis quand c'est bien important, je mets quelque chose sur mon ordinateur. Quand je me lève, je regarde. Oh, il ne faut pas que j'oublie ça aujourd'hui. Là. Donc, je vais me donner des façons de me rappeler des choses importantes que je ne veux pas manquer. Et le retour du Seigneur, ben, je ne veux pas le manquer non plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie quotidienne, dans ma vie... Pendant les semaines, comment est-ce qu'il s'en est. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me rappeler ça, pour me ramener à la mémoire? Il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose d'important, quelque chose de glorieux pour Dieu, quelque chose qui va exalter la gloire de Dieu au sommet. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Dans une de mes colonnes, j'ai marqué « Lire l'Apocalypse une fois par mois ». J'ai juste marqué ça. « Lire l'Apocalypse une fois par mois ». Pour me rappeler... C'est pas ici la fin. La fin, c'est plus tard, ça s'en vient, puis qu'est-ce qui va se produire à la fin? Faut pas que je dise juste fin, faut dire qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est l'éclatement de la gloire de Dieu qui va se produire. Donc, c'est pas compliqué, là, c'est pas super spirituel. C'est des manières que tu vas te rappeler des choses. Vous le faites des fois. Vous mettez des photos. Pourquoi vous mettez des photos? C'est pour vous rappeler des choses. Pas oublier certaines choses. Vous mettez des photos là, ces murs, parce que vous ne l'avez pas oublié. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est des petites choses qu'on peut faire. Puis que dans l'amour fraternel, moi, j'ai été dans ma colonne. Je vous dis ça de même, pas, vous n'êtes pas obligé d'imiter François, pas mieux. Je vous donne des façons comment moi, je le pense. J'ai pris une décision que dans l'année qui vient, je vais rencontrer un frère ou une soeur ou deux ou trois, puis je veux prier là-dessus avec cette personne-là. Je prie chez nous, mais je veux prier avec quelqu'un. Dans l'année, je veux développer, prendre cette étape-là, je vais aller prier avec quelqu'un à ce sujet-là, s'encourager, prier sur... d'attendre le retour du Seigneur, de rester sobre, de rester concentré. C'est des petits détails. Puis moi, en le faisant avec le frère ou la soeur ou peu importe qui, j'encourage l'autre aussi, là. Lui, il va m'encourager aussi, là. C'est des petits trucs qui sont là, qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas difficiles, mais ça nous oblige à mettre d'autres choses de côté. Parce que ma semaine est pleine. Donc, si je veux prendre du temps, je dis, mais je vais rencontrer Michel à Watton une fois par semaine, une fois par mois, mais il va falloir que je mette de côté une activité pour prendre ces 2 heures-là pour monter à Watton faire la prière avec lui. Moi, je suis obligé de mettre d'autres choses de côté qui, selon moi, seraient moins importantes. OK, seraient moins importantes. Donc, c'est des petits trucs, moi, que je me dis, là, et des choses qui font que... Puis en même temps, j'essaie, pour moi, de toujours impliquer l'Église. J'essaie d'impliquer un frère, une soeur avec moi, ou deux, pour voir, pour s'encourager, s'édifier. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est biblique, je dirais même. Là. Parce que moi, ce que je remarque, je vous le dis comme ça, il n'y a pas beaucoup de vie de prière entre nous. Là. Pas beaucoup de vie de prière. Et je crois que c'est une faiblesse de notre groupe. Il faudrait faire de quoi, à un moment donné, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à prier ensemble. Là, parce qu'on a besoin de prier ensemble. Pour s'encourager mutuellement et de prier ensemble, de prier pour les uns pour les autres, dans notre vie chrétienne, dans nos moments de difficulté. Je dis, je passe une période difficile, priez avec moi, priez pour moi. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est un confessionnal. Ce n'est pas ça que je t'en ai parlé. Mais c'est des petites choses que je me dis qu'il faut faire. Parce que là, j'ai mis mes 3 colonnes sur le mur, puis j'ai dit, quand je vais en penser, je vais la rajouter. Puis, je vais voir si je fais du progrès avec ça. À la fin de l'année, j'ai-tu trouvé un partenaire de prière? J'ai-tu lu mon apocalypse à tous les mois pour me rappeler le retour du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Ou bien non, si je ne l'ai pas fait. Parce que vous avez le même temps que moi. Là. Il y a tous 168 heures par semaine. On a toute la même quantité. Là. Donc, si je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que j'ai fait passer d'autres choses en priorité. Je n'ai pas le choix. Parce que le temps, il n'a pas disparu. Il est là. Donc, c'est se donner des petits moyens qu'on peut s'encourager mutuellement. On a revêtu la cuirasse, l'armure, le casque du salut, qui est l'espérance. Car, pourquoi j'ai revêtu ça? Pourquoi j'ai mis mon armure? Parce que je sais qu'il y a une guerre d'abord, parce qu'on a parlé dans les physiques. Hein? Je ne mets pas une armure pour m'en aller me baigner. Je m'en mets une armure parce que je sais qu'il y a une guerre, il y a un combat spirituel. Parce que vous vivez dans le même monde que moi, là. Le monde autour de moi veut que j'oublie qu'il y a un retour du Seigneur. On veut me faire penser que c'est ici-bas que ça se passe. Il n'y a rien de plus, rien de plus important qu'ici-bas. Et je dois me battre avec cette idée-là, puis je vais confronter ces mensonges-là avec la vérité. On va en parler dans le chapitre 2, il va parler de ce que Satan va faire pour que le monde croit aux mensonges. C'est quoi le mensonge dans le contexte? C'est qu'il n'y a pas de retour du Seigneur. Ça n'existe pas, ça. C'est une blague, c'est une invention des chrétiens, c'est une invention des... Ça n'existe pas. Puis le diable veut convaincre les gens que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Puis je vois la culture dans laquelle je vis, je vois le monde, on le croit. C'est sûr que le monde ne le croit pas, là. Nous, on le croit, mais le monde ne le croit pas. Donc, les autres, ils vivent en fonction, ils préparent les enfants à l'école en fonction, que ça n'arrivera pas, cette affaire-là. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, ils préparent les enfants à vivre ici-bas, à se préparer pour longtemps. Puis, je ne dis pas qu'on ne peut pas se préparer, mais il faut garder la place à dire, on se prépare, mais il y a Jésus qui revient, il ne faut pas oublier ça. Là, donc, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ici. Là. Donc, c'est C'est juste de se rappeler ça. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a revêtu notre armure? Car, au verset 9, car il y a une colère qui s'en vient. Il y a une destruction qui s'en vient. Nous, on n'est pas destinés à cette colère-là, mais elle s'en vient. Donc, il y a une guerre entre le monde. J'écrivais cette semaine à Pierre Jutra, en Pologne, puis il me parlait de la guerre, qu'est-ce qui se passait, puis comment... Lui, il y a des gens qu'il connaît, là, qui sont au front. Là. Lui, c'est pas des étrangers, là, c'est pas la TV, c'est des gens que lui connaît au front. Là. Ils se demandent tout le temps s'ils sont vivants ou s'ils sont pas morts le soir. Là. Fait que pour eux autres, c'est une autre affaire, une autre vie. Là. Puis on a parlé de ça un petit peu, puis du coup, à la fin, moi j'ai écrit, il y a une autre guerre aussi, beaucoup plus grande, qui dure depuis beaucoup plus longtemps, qui est beaucoup plus destructive que cette guerre-là. Là. 99% des gens vont être détruits par cette guerre-là. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Est-ce qu'elle est plus importante que la guerre de Pologne? La guerre de Pologne est importante. Il y a une autre guerre qui est bien plus importante. C'est une destruction éternelle pour ces gens-là. C'est une colère de Dieu. Est-ce que j'y pense? Est-ce que je me rappelle? Est-ce que je fais de quoi avec ça? Je le sais, mais ça ne me dérange pas, je ne m'en occupe pas. Ou si je m'allonge, je m'arrête et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Comment Dieu m'a équipé, moi? Je sais qu'il vous a équipé, vous autres aussi. Comment Dieu m'a équipé, moi, pour que je participe dans cette guerre? Comment je peux faire ces choses-là, moi, et participer pour que l'Église puisse sortir vainqueur de cette guerre-là, finalement? Donc, c'est ça qui est important, qu'il faut réaliser. Puis, j'ai besoin, puis vous avez besoin, les uns des autres, bien plus que vous pouvez penser. Bien plus que vous pouvez penser. On a besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on a les 120 commandements des uns les autres dans la Bible. Donc, on a besoin, on ne pourra pas survivre seul. On ne peut pas, c'est impossible. C'est vrai, je parlais avec un couple, puis je priais pour les autres depuis un an quasiment, qui retournent à l'église, qui allaient à l'église, qui se joignent à un groupe. Ils m'ont écrit cette semaine, on y va dimanche, on commence dimanche. J'étais content. On a besoin des autres pour survivre dans la foi. On ne peut pas se faire tout seul. Dieu ne m'a pas créé pour que je survive tout seul sur mon île. Mais il m'a dit, non, tu as besoin des autres. Quand on n'a pas été destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, on n'a pas été destiné dans le passé à quelque chose, à la colère, mais on a été destiné à quelque chose de futur, qui est le salut. Donc, ici, il parle du salut au futur. Salut qui s'en vient, le retour du Seigneur. On est dans ce contexte-là. Là. Le retour qui vient chercher son Église. Il dit, le salut va prendre un pas de plus à la résurrection. À la résurrection, là, Christ est mort pour sauver. Nous, moi, je ne suis pas pour vous autres, mais nous autres, moi, quand mon frère m'a parlé de l'Évangile, Jésus était mort pour sauver mon âme, là, pas mon corps. Ça n'était pas dans le décor, ça. Mais il est mort pour sauver mon corps aussi. Tant que mon corps n'est pas ressuscité, Jésus, c'est pas complet, cette histoire-là. Il faut que mon corps ressuscite pour que le salut s'accomplisse. Mais ressusciter, c'est pas encore terminé. Il y a une autre étape après. C'est la glorification des nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, le salut, il y en a une partie qui est future, là, quelque part. Là. Donc, il dit, nous autres, on n'est pas destinés à la colère. Eux autres, ils sont destinés à la colère. C'est pour ça qu'eux autres, bien, ils s'en occupent pas, ils ne croient pas à ça, puis ils n'ont pas mis d'armure, puis ça lui fait rien. Ça ne change absolument rien. Verset 10. Qui est mort, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, pourquoi il est mort pour nous dans le contexte? Afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, donc c'est ceux qui sont morts, les décédés, là, qu'on veille, qu'on soit ici, qu'on veille, qu'on reste attaché à l'espérance, ou soit qu'on dorme, nous vivions ensemble avec lui. Ça, c'est notre destinée. On n'est pas destiné à la colère, nous. On est destiné à un jour d'être avec Jésus-Christ, avec les autres croyants de tous les temps, d'être ensemble avec lui. Là, il dit au verset 11, « C'est pourquoi, à cause de ces choses-là, vous ne savez pas quand ça va venir, mais vous devez veiller et être sobre. » Jésus n'en parle, je ne sais pas combien de fois dans ses paraboles, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Et c'est constant. c'est constant, ça, c'est dans la bouche de Jésus. Donc, c'est. Et l'apôtre Paul le fera sortir ici. Donc, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous ou encouragez-vous réciproquement. Pour qu'il y ait un réciproque, ça en prend au moins comment? Deux. Au moins deux, là. T'sais, au moins deux. Ça, tu ne peux pas t'encourager tout seul, là. Ça prend un réciproque. Un miroir. Hein? Un miroir. Tu vois, essaye-toi, ça va prendre du temps, tu vois. Et édifiez-vous les uns les autres. Donc, c'est comme en réalité vous le faites déjà. Donc, s'il n'y avait rien à rajouter, il a dit, bien, vous le faites déjà, donc je n'ai pas besoin de vous en parler. Mais il dit, je veux que vous vous encouragez, que vous en parlez, que vous vous stimulez à ça. Hein. Et nous autres, je me souviens, là, je vous parle de ça, je vous en parle la semaine prochaine, là, du chalet en fin de semaine. La dernière semaine, là, les textos s'en revoilaient, puis les messengers, ça arrive, hey, on va être là, ça s'en vient, dans trois jours, on va être là-bas, là, là, là, là. La famille était dans l'euphorie, là, ça s'en allait au chalet. Là. C'est... Il y avait une excitation mutuelle qui s'est créée au point qu'on avait hâte que le vendredi arrive. Là, donc, c'était un peu la même chose, de nous aider, de s'aider mutuellement, à dire « Hey! » Puis je dirais que je suis le seul enseignant qui a enseigné l'Apocalypse aussi souvent dans toutes les églises que j'ai passées. Ça fait des fois 10 fois que j'enseigne l'Apocalypse. Depuis, j'ai enseigné l'Apocalypse dans toutes les églises que j'ai passées, des fois 2 fois. Puis quand je voyais l'église qui commençait à descendre, je reprêchais l'Apocalypse une autre fois. Il faut s'encourager, il faut voir de loin que c'est qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous motive. Sans ça, on est préoccupé par ici-bas, on est préoccupé par les choses ici-bas. On oublie que le grand événement est à venir. Donc, il dit, encouragez-vous avec ça, édifiez-vous. Le mot édifier, c'est le mot affermir, c'est la même idée. Édifier, ça, tu bâtis un édifice, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu t'affermis, c'est la même affaire. Donc, puis, avec cela, là, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur, l'enlèvement qu'on parle. Donc, c'est ça qu'il parle là. Le jour s'en vient. J'en ai parlé l'autre jour avec Gaétan à l'hôpital, on en a parlé. Gaétan, si tu me devances, c'est toi chanceux, là. C'est toi chanceux, là. On n'est pas ici pour rester ici, là. On est ici pour nos bases. Là. On atteint le Seigneur Jésus, là. Donc, il faut s'encourager avec ces vérités-là. Il faut se le répéter, dire, hey, c'est pas fini ici, là. T'arrêtes pas ici, là. Le grand bout de chemin est à venir encore. Là. C'est dans la présence du Seigneur Jésus. Là. J'ai pas dit non plus, tu te souviendras pas de moi, là. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va se souvenir les uns des autres, même bord. Il y en a qui pensent que oui, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc, la semaine prochaine, on va faire les commandements, j'appelle. Il va y avoir une vingtaine de commandements dans les versets qui s'en viennent. OK? Donc, c'est porter les fardeaux, soyez patients, vous êtes patients. Il va parler beaucoup d'impératifs, je veux dire. Là. Donc, on va voir ensemble. Il ne va pas nous donner ces vingtaines d'impératifs-là pour qu'on s'améliore dans la sainteté. Mais ces impératifs-là nous mettent toujours en relation avec les autres frères et sœurs. Tout le temps. Puis c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit en interrelation les uns avec les autres. Donc, il dit, consolez-vous, encouragez-vous, fortifiez-vous, parlez-vous. Il est toujours en train de vouloir amener les croyants à être ensemble, parce que c'est là que le corps est fort, c'est là que le troupeau est fort. Est-ce qu'une des clés, là, dans tout ce que tu dis, ça reste au niveau de l'Église? Toujours. C'est le seul outil qu'on a pour attendre le Seigneur Jésus, l'Église. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose. Mais le fait, là, que dans notre cas à nous, quand on côtoie d'autres gens à part notre cercle à nous, ça, c'est pas toujours réjouissant. C'est plus la sanctification progressive. Ah, okay. C'est beaucoup un joug qui est remis. Oui, je crois que... C'est un petit peu le dilemme qu'on a, là. On vit tellement comme quelque chose de plus... Si ces gens-là sont un jeu, tu vois que c'est pesant, mais toi, qui es plein de liberté, plein de joie, tu n'as pas besoin de parler quasiment, où on voit la différence. Parce que des fois, ils vont nous regarder, ils vont avoir l'impression qu'on est autant sur eux autres, pas nous. Non, faut juste. Hey, moi, je ne vis pas ça, là. J'attends le Seigneur Jésus-Christ, je suis dans la joie, je viens avec les chrétiens, avec les frères et sœurs. C'est. Faut pas faire une façade, il faut être honnête, là. Il faut être une façade, il ne faut pas faire assemblant. Non, mais dire, si vraiment je suis dans la joie, j'attends le retour du Seigneur, ça va paraître aussi à l'entour de moi. Hein. Donc la personne va dire, mais tu n'as pas l'air d'être aussi accablé que moi là-dedans. Non, je sais pas, pourquoi je suis accablé? Donc c'est quoi? Donc c'est un développement qu'on a pu voir. Je vous encourage, trouvez-vous des manières pour planifier votre progrès. Si vous ne planifiez pas votre progrès, je vous garantis que l'année prochaine, vous n'allez pas faire de progrès. Je vous garantis, vous n'allez pas faire. Vous allez être encore au même statu quo. Ça se planifie, ça s'organise. C'est ça que l'apôtre Paul, ici, c'est pas l'apôtre Paul, il dit, j'espère qu'on en faire. Non, tu sais, j'espère qu'on en faire. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il leur dit, hey, faites ça, faites ça, faites ça. Dans le chapitre, dans le deuxième épître, comme je vous ai dit, il va dire, dans les premiers versets, il va dire, je rends grâce à Dieu que votre foi a fait de grands progrès. Il est consolé, il est encouragé par le fait que l'Église a fait des progrès. Comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce qu'il a vu ça? Il a fait des coches dans ses colonnes. Accompli ça. Checklist. Mais c'est peut-être que vous dites, mais François, c'est un peu enfantin de sur les colonnes. C'est correct, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là. Donc, c'est-à-dire, trouvez-vous une méthode de dire, comment je vais me stimuler? On le fait dans nos vies, là, pour la santé, pour l'alimentation, pour prendre du poids, pour perdre du poids. On en fait des petites affaires de même. Là. Pourquoi on ne le ferait pas dans d'autres domaines? Pourquoi ça, si je me planifie toute une patente pour perdre 5 livres dans le mois, ben pourquoi je ne serais pas capable de faire une patente pour faire d'autres choses? C'est aussi important dans ma tête, moi. Là. Donc, c'est pas ridicule. C'est juste dire, hey, j'ai besoin un peu d'aide. Puis si vous n'êtes pas capable seul, trouvez-vous une écolette, trouvez-vous un frère, une autre soeur. Puis mettez-vous deux, mettez-vous trois, puis dites, hey, on va faire de quoi ensemble. Ceux qui ont de la misère à marcher, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils se trouvent quelqu'un avec qui marcher. Pourquoi? C'est les arborages. C'est humain, ça, là. Dans l'Église, c'est la même affaire. Donc, si j'ai de la misère à faire ça, je vais me trouver quelqu'un, lui, qui peut-être lui va le faire avec moi, puis on va s'encourager, puis on va le faire ensemble. Donc, c'est des choses qui peuvent vous mettre en contact les uns avec les autres. C'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va terminer avec le chapitre 5. Les derniers versets sont excellents, sont tous excellents, mais puisque Paul va parler de que Dieu va faire de quoi avec vous. Dieu va vous sanctifier âme, esprit et corps, lui-même. Donc, c'est très encourageant. Toujours la main droite, toujours la main gauche. Toujours la main droite, toujours la main gauche. Toujours les deux, tout le temps. Il parle de la main gauche pendant 7 minutes. Ben, n'oubliez pas, là, Dieu travaille aussi avec vous autres là-dedans. Il va vous sanctifier aussi, là, il va vous aider à attendre. Là. Donc, si je me retrouve tout seul, hein, je vais me décourager. Je vais me décourager de ça. Mais de savoir que Dieu. Moi, je crois que c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie dans le monde, ben, rappelez-vous bien, je vais être avec vous autres jusqu'à la fin. Je ne vous laisserai pas tout seul dans le monde. Il avait besoin de se faire dire ça par le Seigneur Jésus. Je vais être avec vous autres tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes jamais seul. Souvenez-vous bien de ça. Donc, pour nous, c'est important qu'on se rappelle qu'on y travaille, on y met notre énergie, nos efforts, mais il y a un Dieu qui travaille avec nous autres pour qu'on atteigne le but qu'on veut atteindre. Il ne nous laissera pas tout seul dans ce sens-là. Tournez avec moi maintenant dans l'Épître aux Galates. On va faire le repas du Seigneur ensemble. Gaëtan, dépêche-toi à revenir, là, pour faire le repas du Seigneur. On s'ennuie, mais on aimerait bien que tu viennes faire le repas du Seigneur. Ouais. OK, chapitre 3. La responsable du sort aussi. Oui, excusez bien, oui, c'est vrai. Oui, Galates, chapitre 3. Mais voyons, bouge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas avancer? Pourquoi tu as des problèmes? As-tu perdu Internet? Non. Bon, mon ordinateur est comme jamais. Qui voulait lire le chapitre 3 dans Galates? Je peux lire ça. Oui, puis je vais te dire quand arrêter, OK? Galates, stupide, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur la croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur le Saint-Esprit et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos forces seules? Tout ce que vous avez vécu, est-ce pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'était possible. Dieu vous donne son esprit et il fait de vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les saints livres ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent, « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans la loi, le livre de la loi, celui-là sera maudit. » Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi, « Celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de la malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent « La malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre ». Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Merci. Donc, l'apôtre Paul parle aux Galatiens. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Galatie. Ils sont en train d'abandonner la foi ou la justification par la foi seule. Ils veulent rajouter certaines parties de la loi, surtout la circoncision, pour être justifiés. L'apôtre Paul dit, je vous ai peint, comme il parle, comme ça fait une peinture, je vous ai peint le Christ crucifié. Êtes-vous en train de vouloir abandonner et retourner à d'autres choses? Vous laissez cette idée que l'Église, je vous l'ai déjà dit, l'Église est toujours en train de vouloir s'aimer, tout le temps. On s'en fait partie de notre faiblesse en tant qu'être humain. Ils ont toujours de se rappeler, de se faire dire par quelqu'un, ici c'est pas l'apôtre Paul qui dit à l'Église, « Hey, rappelez-vous, vous avez été justifié par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Pourquoi vous voulez retourner à la loi maintenant? » Mais c'est parce que, qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir aller tant vers la loi? Quand on sait que ce n'est pas la loi que je suis, c'est la chair. La chair, elle a juste un moyen. C'est la justification par la loi. Elle, c'est de produire, c'est de gagner son ciel, comme on dit en québécois. C'est de vouloir atteindre l'approbation de Dieu par les œuvres de la loi, si je prends le texte ici. Dans d'autres religions, c'est d'autres choses, mais c'est la tendance humaine. Et donc, il faut apprendre à s'en méfier. Puis il faut prendre des moyens pour combattre cette idée-là. L'apôtre Paul, il dit, vous souvenez que l'apôtre Paul, quand il parle dans Romains, il dit, il y a des choses que je ne veux pas faire, mais que je fais, mais des choses que je voudrais faire, je n'arrive pas à les faire. Puis là, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va m'en délivrer? Quand est-ce que la lutte va arrêter, finalement? Puis là, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Là, il parle de la résurrection. C'est la seule délivrance que Paul voit venir, hein, c'est la résurrection. Il dit, tant que je vais être ici-bas, il va y avoir une lutte contre quelque chose. Et il dit, à la fin, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il dit, il est devenu malédiction. Comment a-t-il racheté? C'est que, ça me dépasse, là. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui a fait ça pour moi dans aucun domaine, si je veux dire. Il a pris, il dit, il est devenu malédiction. Il n'a pas juste payé et dire, tiens, Dieu, je te donne un million, 100 milliards, je sais quoi, puis je paye pour la dette à François, là. Non, je prends la dette à François sur moi. Je deviens, moi, malédiction à sa place. C'est pas juste que Dieu nous a donné un remède contre le cancer. Il a pris le cancer, puis il l'a souffert, le cancer. C'est pas mal plus intense quand tu penses à ça que juste dire « Dieu a pourvu d'un remède pour notre cancer ». Non, non, non. Il a pris le cancer, puis il en est mort. N'avez-vous rencontré des gens qui sont prêts à prendre votre cancer, puis d'en mourir? Ça n'existe pas sur la planète, ça, ces affaires-là. Non. Et donc, il dit « Il a pris ma malédiction, car il est écrit. » Comment je peux savoir qu'il l'a pris? « Maudit quiconque est pendu au bois, donc il a été pendu à la croix. » Et lui, qui n'avait pas fait de péché, mais il a pris nos péchés. Paul va dire ailleurs, autrement, il va dire, « Il est devenu péché pour nous, afin qu'on devienne justice pour Dieu. » Donc, c'est, il y a eu une transition, il y a eu ça a été transporté sur... Vous savez, l'image de l'Ancien Testament, le pécheur, à la fin de l'expiation, il mettait sa main sur la tête de la brebis, puis confessait ses péchés. Il transférait ses péchés sur la brebis, puis coupait le cou de la brebis. C'était ça l'image qui était pour venir avec Jésus-Christ. Nous, on a transféré par la foi nos péchés sur Jésus-Christ, on pourrait dire, et Dieu a fait couper le cou. Il dit, il est devenu malédiction pour vous, afin que nous, maintenant, on puisse jouir de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, c'est que le Seigneur puisse nous aider, nous le rappeler, revenir en arrière, parce que votre chair, n'accusez pas les pasteurs, n'accusez pas les églises, c'est votre chair qui veut faire des œuvres, c'est votre chair qui veut produire quelque chose, c'est pas les pasteurs, c'est pas les églises. Vous autres aussi, ils sont pas mis comme vous autres avec la chair. Mais vous autres, si vous n'aviez pas la chair, vous vous en fouteriez du pasteur qui enseigne ça. Vous dites, pff, moi, je suis pas là-dedans. Maintenant. Mais on a tombé dans le panneau parce que ça fait partie de notre nature à nous autres. On veut, parce que c'est très valorisant les œuvres, vous savez. Très, très valorisant les œuvres. On veut d'en produire. Hein. Donc, je vous ai déjà dit, la grâce, c'est la chose la plus humiliante qu'il n'y a pas pour l'être humain. C'est la chose la plus humiliante. Tu ne peux pas rien faire. C'est humiliant. Ça nous enlève toute capacité, toute valeur, toute valorisation. C'est vraiment haineux pour la chair. Il n'y a pas ça. Donc, mais il y a ce combat-là, puis Il faut s'entraider, il faut rappeler, soit par les Écritures, soit par des choses que vous lisez ou vous entendez, se rappeler que nous sommes dans ce combat-là tous les jours. J'ai déjà dit, des fois, je me demande qui se lève le premier chez nous, ma chère ou moi? Elle se lève, la première chose qu'elle veut faire, c'est pécher. C'est la première chose qu'elle veut faire, c'est pécher. Elle ne peut pas rien faire d'autre, elle n'en a pas rien d'autre, c'est pécher. Et quand François est là, tout ce qu'il veut faire, c'est qu'il va servir Dieu. Donc, le combat s'installe, puis la lutte part, puis c'est parti. Donc, il faut se rappeler ça. Puis le repas du Seigneur nous aide à nous rappeler ça. Embarque pas avec la chair, embarque pas. Parce que dans Galates, il parle de l'esprit, des œuvres, de la chair, comme l'opposition à la foi. Donc, il dit, vous avez quelque chose en vous qui s'oppose à la foi seule. Donc, il dit, méfiez-vous de vous-même. J'ai déjà dit à Duff Monod, qui était un de mes coachs, même s'il est mort 200 ans avant moi, il disait tout le temps, si j'avais une autre vie à vivre, je me méfierais plus de moi-même. Il disait ça solidement. Si j'avais une autre vie à vivre, je me méfierais plus de moi-même. Donc, ça m'avait frappé. J'ai dit, c'est bon ça. C'est intéressant d'entendre quelqu'un dire ça. Donc, vous demandez à Carole et Roger s'ils veulent bien passer le pain et la coupe, s'il vous plaît. Thank you. Donc, le dernier repas, c'était le repas pascal, c'était le repas qu'on se souvenait, qu'il y avait un agneau qui était mort, qu'on avait mis du sang sur l'entour des portes. Il dit, à partir de maintenant, dans la Nouvelle Alliance, vous allez vous souvenir de l'agneau de Dieu, non pas de l'agneau de l'Égypte, mais de l'agneau de Dieu qui est venu. Donc, il y a un agneau qui va être offert, et l'agneau, c'est moi. Et mon corps va être brisé, mon corps va être frappé, meurtri. Puis il a déchiré le pain en parlant. Il dit, comme ce pain est brisé, mon corps va être brisé pour vous, pour la Nouvelle Alliance. Mangeons en mémoire de lui. Ensuite, il a pris la coupe à la fin du repas. Et cette coupe représentait le sang de l'agneau qui avait été immolé. Et ce sang, c'est ma vie que je donne. J'ai subi la malédiction, ça m'a enlevé la vie. Mon sang a coulé. Donc, en buvant le fruit de la vigne, vous allez vous souvenir que j'ai fait ça pour vous. Buvons en sa mémoire. S'il y en a qui aimeraient louer le Seigneur. Tantôt, Dieu, quand on dans l'enseignement, quand ça disait le Saint-Esprit, pourquoi qu'on dit le Saint-Esprit, je me disais le Saint-Jésus, puis le Saint-Dieu, le Saint. Parce que tu es élevé, tu es saint, tu es, et je suis d'une grande reconnaissance, mais en même temps d'une grande indignité à penser que ces choses-là nous sont accessibles, que tu t'es rendu accessible à nous par ton Fils. Et c'est très grand tout ça pour moi. Quand vient le temps d'en parler aux gens, j'ai l'impression que c'est immense comparé à ce que j'ai le peu que j'ai compris au tout début. Mais je te remercie donc de me donner accès à toi, Dieu. Merci, merci. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Notre bon Père du ciel, tu nous as laissé ce repas parce que tu sais à quel point nous sommes oublieux, tu sais à quel point nous sommes des fois dérangés, accablés de toutes sortes de soucis. Mais quand on se rencontre, on se rappelle que tu as donné ta vie. Aujourd'hui, si on se rappelle que tu as été maudit par Dieu le Père, afin qu'on puisse être justifié. Et ça, tu l'as fait pour tes ennemis, parce que nous étions tes ennemis. Afin que tes ennemis deviennent tes serviteurs, tes adorateurs. Et Seigneur, comme on a vu aujourd'hui que ce soit le repas du Seigneur ou que ce soit l'espérance qui est devant nous, on puisse se motiver mutuellement, qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres à persévérer jusqu'à ton retour, à vivre l'Évangile jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Ô Seigneur notre Dieu, nous attendons ce moment, pas pour être délivrés de nos petits soucis, mais pour voir ta gloire éclater dans le monde entier. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous aider, comme on a vu depuis quelques semaines, à faire du progrès. à avancer dans notre compréhension de qui tu es, à faire des gestes qui vont manifester cette compréhension-là dans nos vies personnelles, nos vies de famille, nos vies en société, qu'on puisse, Seigneur, être des gens qui expriment quelque chose de plus important que ce monde. Hein? Il y a quelque chose dans nos vies qui a plus de valeur que les choses de ce monde. Hein? Donc, puisses-tu être glorifié en nous et par nous durant la semaine qui s'en vient. Au nom de Jésus, amen. Amen. Non, oui. Et plutôt...